بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوجا الله en cette nuit du 28 Shaban 1441, qui correspond au 20 avril 2020. Et regardez, frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, comment le temps il passe très vite. Comment le temps passe comme un nuage. Hier, nous étions au début du mois de Shaban. Voilà que nous sommes déjà presque dans le mois de Ramadan. Et ceci nous approche du terme final de notre voyage, qu'Allah nous couvre de sa sainte miséricorde. Et nous commençons cette assise par ce verset que Cheikh Rahimahullah Ta'ala wa Hafidahu wa Matta'abih a expliqué, a extrait des leçons durant cette assise qui a eu lieu le lundi 10 Rabi'a 2 au 1435 de l'Hégire à la mosquée d'Ar-Ridwan à Médine. Et le verset, il s'agit tout simplement du verset dans Sourat Al-An'am, verset 82, qui dit «Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Qala hafidhahullahu wa matta'abih. Alhamdulillahi wahdah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu al-haqqu jalla thana'uh. Wa taqaddasat as-sifatuh wa asma'uh. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et donc après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations et les prières sur le messager alayhi salatu wassalam ainsi que sur sa noble famille et tous ses compagnons, il a dit Habibullah al-Haq, à qui appartient les nobles et immenses éloges et dont les noms et les attributs sont purs et sanctifiés et exempts de tout défaut et de toute diminution, a dit dans ce verset, dans la traduction approximative du sens de celui-ci, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. قوله الذين آمنوا المقصود الإيمان الشرعي الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهؤلاء هم المؤمنون حقا. Et concernant le verset الذين آمنوا, dont la traduction approximative nous dit ceci, ceux qui ont cru, cela désigne la foi légiférée qui est composée de paroles dites avec la langue et de croyances avec le cœur et les actes avec les membres. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Ceux qui ont cette foi-là, ce sont les croyants en vérité. قال وقوله ولم يلبسوا أي يعني يخلطوا. Et quant à la parole d'Allah عز وجل لم يلبسوا, cela veut dire ils n'ont pas mélangé. وقوله سبحانه وتعالى بظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهو يرادف الجور والميل والحيف في الأحكام والمعاملات فقوله بظلم نكرة واقعة في سياق النفي. Quant à sa parole بظلم, cela veut dire avec injustice. L'injustice, c'est le fait de ne pas mettre les choses à leur place. Et il est synonyme aussi de l'empiètement. Et englobe l'injustice dans les lois, l'injustice dans les transactions. Et bivolm ici, il est indéfini. Il n'a pas d'article défini. Il est indéfini. Dans un contexte de négation. Dans une phrase, dans le contexte de cette phrase, c'est un contexte de négation. Et le compte. Quand il y a l'indéfini dans un contexte négatif, cela signifie que c'est général, que le sens est général. Il dit, rahimahullah, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هي من صيغ العموم، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يخصصه مخصص فيخرج بعد أفراده من الحكم، وهذا هو الذي فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نزول هذه الآية فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فهموا العموم وهذا هو الأصل، وفهمهم هو الفهم الصحيح رضي الله عنهم وأرضاهم. يجي حفظه الله تعالى ومتع به وأطال عمره في طاعته. Donc le verset, ceux qui ont cru et n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ça c'est une phrase négative et le terme injustice il est indéfini. Et il dit, Havidahullah, ça c'est une des expressions du général. Et à la base, le sens du général doit rester dans sa généralité jusqu'à ce qu'il soit spécifié par un spécificateur. Par un spécificateur qui vient faire l'exception de certains de ces individus. Et c'est ce qui est arrivé aux nobles compagnons d'Allah alayhim. Au moment de la descente de ce verset, ils ont compris le sens général du verset. Et ils se sont plaints au messager alayhi salam. Hein? Ils se sont plaints au messager alayhi salam. Hein? Comme il est rapporté par Imam Bukhari rahimahullah. Hein? L'un d'eux a dit, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, qui parmi nous n'a pas mélangé sa foi avec une injustice. Le cheikh le dit, ils ont compris le sens général, et c'est comme ça que ça doit être à la base. C'est comme ça que ça doit être à la base. Et leur compréhension, c'est une compréhension saine, et c'est la compréhension authentique. Et il dit, Habibullah, « وَالسُّؤَالُ هُنَا هَلْ عُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ أعني قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم باق على عمومه، فيصير جميع الظلم ليس معه أمن في الآخرة ولا هداية في الدنيا أو زحزح عن هذا العموم. الشيخ رحمه حفظه الله pour nous faire comprendre nous pose cette question. Il dit la question ici, est-ce que le sens général de ce verset est resté dans sa générale, dans son sens, hein, dans sa généralité. Dire le verset qui dit, ceux qui ont cru, ils n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Et dans ces cas-là, hein, il reste dans, s'il est resté dans la généralité, dans la généralité du texte, du sens, ça veut dire que l'injustice, dans le cas où il reste dans la généralité des sens de l'injustice, cela veut dire il n'y a aucune sécurité dans le delà pour ceux qui ont commis une injustice et aucune guidée dans ce bas monde. Hein? Pour ceux qui ont commis une injustice dans le sens général de l'injustice. Hein? Et il englobe beaucoup de choses, l'injustice. Et il dit, ou alors cette généralité a été restreinte ou a été spécifiée par autre chose. يقول حفظه الله هذا يظهر فيما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبان بالقرآن أن عموم الآية هو العموم المراد به الخصوص لا عموم الظلم كما يطلقه بعض الوعاظ والخطباء وأهل الأهواء تقنيطا لعباد الله من رحمته وتأييسا لهم من روحه. إذنك إذن حفظه الله تعالى cela apparaît, c'est-à-dire cela va nous être clarifié il deviendra plus clair avec le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, quand ce verset est descendu, ceux qui ont cru n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ceci a été dur, et très dur pour les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager alayhi salatu wa sallam leur a dit, ce n'est pas ce que vous avez compris. N'avez-vous pas entendu la parole du soumis vertueux, c'est-à-dire Luqman alayhi salatu wa sallam, comme il est cité dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci, l'association est une énorme injustice. Donc, il dit, Cheikh Hamidahullah, il a été clarifié par le Coran que le sens général du verset est un sens général avec lequel il voulut le sens spécifique de l'injustice. Et non le sens général de l'injustice. Comme le disent certains exhortateurs et certains khutabas et les gens qui suivent les passions pour faire désespérer de la miséricorde d'Allah, les soumis à Allah, Azza wa Jal. Donc, voyez, ceci est quelque chose de très important. Hein? Cheikh nous a expliqué que ce verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ceux-là ont la sécurité et sont les bien guidés. Mais, l'injustice ici, et cité dans le verset, à l'indéfini, c'est-à-dire il est indéfini. Donc, il est indéfini, et là, le verset est une expression négative, donc l'indéfini dans la négation, il a un sens général chez les hommes de science. Il reste toujours dans le sens général tant qu'il n'y a pas un texte, une parole d'Allah, une parole du messager alayhi sallam qui vient faire une spécificité. D'où la question de Yal-Sheikh, et après il nous a ramené le texte du Coran qui vient faire la spécificité de ce général. Donc ce verset, c'est un général, c'est un texte général, c'est un texte dans le sens général, avec lequel il évolue le sens spécifique. Et le sens spécifique ici, c'est que l'injustice, c'est une énorme, l'association est une énorme injustice. Et ça a soulagé les nobles compagnons, radouallah alayhim. Parce que qui ne commet pas d'erreur? Hein? Et donc, Cheikh, il dit, il évolue avec le sens spécifique, qui est le sens, hein, l'association majeure. Hein? Et il dit, contrairement à ce que disent certains exhortateurs et certains khutabas sur le manbar qui font et qui suivent leur passion, qui font désespérer les soumis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font désespérer les de la miséricorde d'Allah, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit hamdallah fa'asbaha idhan anna dhulma alladhi nafa Allah ma'ahu al-amn wal hidayah huwa ash-shirk. والشرك إذا أطلق فهو الشرك الأكبر الذي ينافي الإيمان بالكلية والمزيد في تفسير هذه الآية في الجلسة القادمة إن شاء الله وهو ولي التوفيق. Il dit حفظه الله. Donc l'injustice avec laquelle il n'y aura pas la sécurité il a guidé, c'est l'association, le polythéisme qui va priver la personne de la sécurité et de la guider. Et l'association des Cheikh Hamidahullah, quand il est cité dans les textes, hein, quand il est cité dans le sens absolu, ben il disait l'association majeure qui sort de l'islam. L'association majeure qui est en contradiction avec la foi, qui est en contradiction complètement avec la foi et qui est l'opposé de la foi. Et ceci, c'est la fin de la première assise concernant ce verset. Et pour bien saisir le sens du général spécifié, je vous prononce ce verset. Qala azza wa jal حرمت عليكم الميتة والدم. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Il vous a été interdit les cadavres et le sang. Hein? Ça c'est une partie du hadith et une partie du verset. Prends par exemple le terme cadavre. Bah dans le cadavre, il y a plusieurs catégories de cadavres qui rentrent dedans. Les cadavres des humains, les cadavres des vaches, des moutons, des poules, des oiseaux, des chiens, des porcs, et ainsi de suite. Des poissons, des sauterelles, des insectes, tout ça ce sont des cadavres quand ils sont morts. Et il est dit dans le verset aussi qu'il nous a été interdit le sang. Bah, tout sang, toutes sortes de sang y est inclus. Aussi, parmi les sangs, il y a la foie et la rate. Donc ce texte général englobe un ensemble de choses concernant les cadavres et concernant les sangs. Mais ce texte, ce verset, il a un spécificateur qui va en extraire certains individus qui vont sortir de cette généralité. Le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar qui dit que le messager a dit « Uhillat lana maytatani wa daman » فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. Le hadith dit, il nous a été licite, rendu licite, deux cadavres, deux morts, et deux sangs, deux formes de sang. Concernant les cadavres, les deux morts, les sauterelles et les poissons. Concernant les sangs, la rate et le foie. Le poisson mort, il se mange. Les sauterelles mortes, on les mange. Le foie, des bêtes licites, on le mange. Pour ça, c'est du sang. La rate aussi. Avec quoi, alors qu'il rentre dans l'ensemble des cadavres et l'ensemble du sang, ben, il y a eu ce texte spécificateur. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Sahiha. Ce hadith nous fait comprendre que le sang général du cadavre dans le verset est spécifié. Et ce hadith enlève du sang général du cadavre le poisson mort et les sauterelles mortes. Et concernant les sangs, il enlève la rate et le foie. Donc ce hadith vient extraire du verset certaines catégories de cadavres, notamment les poissons et le foie, et certaines catégories de sang, notamment la rate et le foie. Donc, le verset qu'a cité Cheikh Hafidhahullah, dans lequel il est stipulé ceux qui n'ont pas mélangé leur foie avec une injustice, ceux-là auront la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. L'injustice ici, dans ce verset, ne doit pas être prise dans son sens général, car la parole du prophète alayhissalam, le prophète alayhissalam nous a cité une partie d'un verset dans sourate Luqman où il dit inna ash-shirka la dhulmun 'azim, l'association est l'énorme injustice. Donc ce sens général de l'injustice dans sourate Al-An'am, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aura spécifié, il aura donné la définition de ce qu'il voulait avec le verset dans sourate Luqman. Passons maintenant à la deuxième assise concernant ce verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Yaqul hamidahullah, fahayyakumullahu abna'ana. وبناتنا وطبتم وطاب ممشاكم إن شاء الله كنا في لقاء سابق شرحنا الشطر الأول من آية الأنعام هذه وهو قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أما الشطر الأخير فهذا موضع حديثنا معكم هذه الليلة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم أجمعين إذ عبد الله. Après avoir fait bien sûr khutba al-haja et après avoir salué tout le monde, parce que c'est une nouvelle assise qui a eu lieu le premier Jumada premier en 1435. Donc il dit Habidallah, lors de la dernière rencontre, nous avons expliqué une partie du verset de Sourate Al-An'am. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Il dit quant à la dernière partie de ce verset, ça sera le sujet de notre assise ce soir, et je demande à Allah que notre soirée soit bénite pour nous tous. يقول حفظ الله يقول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والكلام على هذا الشطر الشطر يتضمن أوجها إلي حفظ الله الحق سبحانه وتعالى à qui appartient les nobles et immenses éloges et à qui sont dus les immenses éloges et dont les noms et les attributs sont purs et sanctifiés et sont exempts de tout défaut et de toute diminution, dit dans ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci: ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Et la parole concernant ce verset se fera par plusieurs points, il dit Habidallah Ta'ala. Al-Wajhu al-Awwal, qala Ahlul Ilm, min a'immati sunnati wal jama'a, inna al-amna amnan, wal hidayatu hidayatan, fa'amnun min dukhul al-nar, wa hada fi haqq man mata ala al-tawhid saliman min al-ma'asi, fa'hu aminun min dukhul al-nar. Et il dit Habidallah, les savants parmi les imams de la sunna et de l'unité disent que la sécurité ici dans le verset, elle est de deux sortes. Il a guidé, il est de deux sortes de guidés. Une sécurité pour ne pas rentrer en enfer. Une sécurité de ne pas rentrer en enfer. Et ceux qui sont morts avec un monothéisme épargné de désobéissance. Ceux-là ont la sécurité de ne pas rentrer en enfer. Et là, c'est la sécurité complète. Al-Tani, wa huwa al-amnu al-naqis, wa hada fi haqqi man mata muwahhidan, walakin laqiya Allah bi kabiratin aw kaba'ir duna tawba. Fa hada as-sinfu min al-mu'minin, aminun min al-khulud fi an-nar, ghayra aminin min dukhulha. Il dit, le deuxième point, une sécurité incomplète. Et cette sécurité incomplète concerne ceux qui sont morts avec le monothéisme, mais ils ont rencontré Allah avec des péchés capitaux desquels ils ne se sont pas repentis. Il dit, cette catégorie a la sécurité de ne pas rester éternellement au feu de l'enfer, mais ils n'ont pas la sécurité de ne pas y entrer. Ils ont la sécurité de ne pas s'y éterniser, mais ils n'ont pas la sécurité de ne pas y rentrer. يقول ومما يدل ويقول ومما يدل على ذلك قول الحق جل ثناؤه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il dit Habidallah, et la preuve pour cela, il a cité un verset dans Sourate Nisa, verset 48, dont la traduction approximative nous dit ceci: Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. يقول الشيخ حفظه الله فهذه الآية صريحة في أن العبادة يوم القيامة صنفان الأول من مات على الشرك فهذا لا يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به الثاني من هم تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة إما بمحض رحمته سبحانه وتعالى دون شفاعة أحد أو بشفاعة من يؤذن لهم فيهم بالشفاعة من الملائكة والنبيين وصالح عباد الله. Les chers de nous dire ce verset, le verset 48 dans Sourate Nisa, est clair que les soumis seront deux catégories le jour de la résurrection. La première catégorie, ceux qui meurent dans l'association, ceux-là, Allah ne leur pardonne pas. Car le verset il est clair. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. La deuxième catégorie, ceux qui dépendront de la volonté d'Allah. Si Allah veut leur pardonner, hein, il leur pardonne. Il les fait rentrer au paradis. Et s'il veut les châtier, et puis ils iront au paradis, hein, soit sans l'intercession de personne, Allah les couvre de sa sainte miséricorde, soit avec l'intercession de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorisation d'intercéder pour eux, qui sont les anges, ou les prophètes, ou les vertueux, ou les soumis vertueux à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, on comprend quoi de cela? On comprend que ceux qui meurent sur le monothéisme pur, sans qu'il y ait avec des désobéissances, ceux-là ont la sécurité complète, rentrent directement au paradis. Ceux qui meurent avec le monothéisme et en ayant des péchés capitaux et ils ne se sont pas repentis, ceux-là restent sur la volonté d'Allah. Si Allah leur pardonne, c'est une clémence avec laquelle il les a comblés. Et s'il les châtie, c'est une justice min Allah Azza wa Jal. Mais comme ils sont du monothéistes, ben ils ne seront pas éternellement au feu de l'enfer. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, il va les sortir, soit hein, il y aura eu l'intercession de ceux qui sont autorisés à intercéder pour eux, parmi les anges, les vertueux, les prophètes, et ainsi de suite. Il dit, Habib Allah, وَأَمَّا أَقْسَامُ الْهِدَايَةِ فَهِيَ كَذَلِكَ هِدَايَةً هِدَايَةٌ تَامَّ وَهَذِي تَمْرَتُهَا الْأَمْنُ التَّامُ وَكَمَا يُقَالْ تَفْسِيرُ هَذَا تِلَاوَتُهُ يعني أنها لا تحتاج إلى توضيح. القسم الثاني من الهداية هداية ناقصة وهذه تمرتها الأمن الناقص. فالأمن التام تمرة للهداية التامة والأمن الناقص تمرة للهداية الناقصة. هذا هو الوجه الأول اللي عبده الله كنت وكاتيغوري دو لا غيدي او دو كاتيغوري دو لا غيدي il dit il y a une guidée complète. Il y a une guidée complète. Et celle-là amène vers la sécurité complète. Et comme il a été dit, sa lecture suffit comme explication. Il n'a pas besoin de d'être détaillé. Il n'a pas besoin d'être détaillé. Ceux-là ont la sécurité, ils sont bien guidés, c'est clair. Ils ont ils sont sur le bon chemin. Hein? Ben, ils ont la sécurité d'être guidés directement vers leur demeure dans le paradis. Et ça, c'est la guidée complète, comme la première. Hein? La sécurité complète. Pour qui? Pour ceux qui sont morts avec le monothéisme sans, désobéissance. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis de désobéissance ou de petits péchés abadan. Mais ils sont loin des grands péchés. Ou alors ils ont commis certains et se sont repentis avant leur mort. La deuxième catégorie de guidés, une guidée incomplète. Et celle-là amène vers une sécurité incomplète. La personne n'est pas sûre de ne pas passer un petit moment dans le châtiment. La sécurité complète, elle est pour la guidée complète. Et la sécurité incomplète, elle est pour la guidée incomplète. يقول رحمه حفظه الله والوجه الثاني في هذه الآية شاهد لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الفاسق الملي يعني فساق الموحدين مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد يقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان، فمسمى الأخوة الإيمانية ثابتة لهؤلاء، يعني الإيمان العام والمطلق. فالزاني والقاذف والسارق وشارب المسكر وغيرهم من أهل الكبائر هم تحت هذه القاعدة، مؤمنون بإيمانهم فساقون بكبائرهم. Il dit حمد الله، il y a un autre cas de figure dans ce verset. C'est-à-dire dans le verset dans sourate Nisa, Allah ne pardonne pas à ceux qui lui ont donné des associés, pardon, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. Il dit ce verset est un argument pour l'unanimité sur laquelle sont les gens de la sunna et les gens de l'unité. L'unanimité comme quoi, qui concerne le désobéissant parmi les monothéistes, al-fasiq, qui commet des péchés capitaux. Bah pour les gens de la sunna, c'est un croyant avec sa foi. Et c'est un désobéissant de par ses péchés capitaux. Et les gens de la sunna disent des fois un croyant dont la foi a diminué. Et la fraternité de la foi est confirmée à cela. Ce sont nos frères dont la foi générale, absolue. Et donc, il dit حفظه الله وقد يتجرأ. Il dit حفظه الله. Donc le fornicateur, le calomniateur, le voleur, le consommateur d'alcool et autres parmi les gens qui commettent les péchés capitaux rentrent dans cette règle. Ils sont croyants avec leur foi et désobéissants avec leurs péchés capitaux. Donc ils restent dans la communauté musulmane. C'est pas quelque chose, des péchés capitaux ne les font pas sortir de l'islam tant qu'ils disent pas que les péchés capitaux sont halal, sont licites. Une fois qu'ils disent que les péchés capitaux sont licites, khlas, c'est eux-mêmes qui se sont décrétés leur mécréance. يقول حفظه الله وقد يتجرأ بعض المتفلسفة والمتحدقة ودعاة التكفير من جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من السرورية والقطبية فيفسقون بأهل السنة تهمة الإرجاء يعلم الله أنهم براء منها أنهم براء منها ويوم القيامة تلتقي الخصوم أهل السنة يقفون عند حدود الله عندما أنزله الله على رسوله وسواء كان الوحي أي الكتاب الكريم أو صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كانت هذه السنة آحادا أو متواترة. Il dit حفظه الله تعالى certains qui philosophes hein, et qui se donnent l'image de savants et qui sont éloquents dans leurs paroles ainsi que les prêcheurs du takfir parmi la secte des frères musulmans et les tendances qui sont sorties de son giron, comme les Sorori et les Qutbi, collent injustement et faussement aux gens de la sunna l'étiquette de l'irja. Pourquoi ils leur collent cette étiquette? Parce que les gens de la sunna considèrent hein, le croyant qui commet des péchés capitaux que c'est un fasiq, c'est un désobéissant tout simplement, et il ne sort pas de l'islam. Alors que, avec les péchés capitaux, il ne sort de l'islam. C'est pour ça qu'il considère les gens de la sunna en étant des morji'ah. Et Allah sait que les gens de la sunna sont innocents de cette accusation. Et le jour de la résurrection, les adversaires se retrouveront devant Allah. Les gens de la sunna s'arrêtent à la limite. On les arrête la sunna. Ils s'arrêtent, ils se limitent par ce que Allah a descendu sur son messager comme révélation, que ce soit du Coran ou que ce soit l'authentique de la sunna du prophète alayhi wa sallam. Que la sunna soit notoire ou qu'il soit ahad, peu importe, du moment qu'il est authentique, il s'arrête avec, il la met en application. يقول حفظه الله فمن الكتاب الكريم بالإضافة إلى آيات الأنعام هذه آية النساء التي قدمناها ومن السنة المتواترة الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة انظروا يا عباد الله يا معشر الناصحين لأنفسهم الحازمين في أمورهم من كانت طلبتهم الحق من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار أخرجه مسلم. إذ حفظه الله تعالى. Donc, les preuves du livre d'Allah, en plus du verset dans Sourate Al-An'am, ceux qui ont cru et qui n'ont pas déguisé leur foi avec une injustice, il a cité le verset de Sourate Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. Il dit, maintenant voyons la sunna notoire. Il dit le premier hadith, le hadith du Jabir ibn Abdillah, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui rencontre Allah sans lui avoir donné aucun associé rentrera au paradis. Celui qui rencontre Allah sans lui avoir donné aucun associé, rentrera au paradis, rapporté par l'imam Muslim. Méditez, dit Habibullah, méditez ou soumis à Allah, ou ceux qui sont dignes du conseil pour eux-mêmes, ceux qui ont la fermeté dans leur situation, ceux qui veulent et cherchent la vérité du livre et de la sunna, selon la compréhension du pieux prédicateur d'Allah alayhim. Méditez cela. Le prophète a dit, celui qui rencontre Allah sans lui avoir donné d'associé rentrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui ayant donné un associé rentrera en enfer. Hadith est rapporté par l'imam Muslim. يقول حفظه الله الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال أنا يعني ابن مسعود رضي الله عنه ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إيه il dit voici un deuxième hadith, le hadith d'Abd Allah ibn Mas'ud رضي الله عنه وارضاه qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Abdullah ibn Mas'ud a dit, le messager d'Allah a dit une parole et j'ai rajouté une autre. Le messager a dit, celui qui meurt en ayant adoré autre avec Allah rentrera en enfer. Et moi, Abdullah ibn Mas'ud, je dis, et celui qui n'adore personne avec Allah rentrera au paradis. Mais cette parole, il la tient du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Celui qui meurt en ayant adoré autre avec Allah rentrera en enfer. Et celui qui n'adore personne avec Allah et adore uniquement Allah azza wa jalla rentrera au paradis. يقول حفظه الله وأسلفت أن الأحاديث في هذا الباب متواترة وذكرت الإجماع فإياكم يا معشر السلفيين من المسلمين والمسلمات أن يغركم هؤلاء واحذروهم واحذروا كذلك بريق الكتب الفكرية ومنها كتب سيد قطب دون استثناء وبالأخص معالم في الطريق فإن من خبر هذا الكتاب علم اليقين أن سيدا هذا ضال مضل وهو بلا نزاع حامل لواء التكفير في هذا العصر والرجل ضمن جماعة الإخوان المسلمين كما صرح بذلكم علي عشماوي قال لم تخرج جماعة من الجماعات إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. الشيخ حفظه الله يدير يوبغافو dire avant les hadiths, auparavant je vous ai dit que ces hadiths, les hadiths sont notoires concernant ce sujet. Et j'ai cité aussi auparavant le consensus sur ce point. Et il dit, attention, Attention aux salafis parmi les musulmans et les musulmanes. Ne vous faites pas avoir par les adeptes du takfir, les qutbi, les sorori et autres de la secte des frères musulmans. Faites attention à eux. Attention à eux. Et faites attention à, hein, ne vous faites pas avoir par, hein, le clan qu'ont des livres de la pensée, les livres qui sont basés sur la pensée, qui ne sont pas basés sur les textes de la révélation, comme ceux de Sayyid Qutb, sans aucune exception, tous les livres de Sayyid Qutb, sans exception, et plus spécialement, jalons sur la route, car celui qui sait réellement ce que contient ce livre, saura avec certitude que Sayyid Qutb est un égaré égareur, sans aucun doute et sans aucune divergence, c'est le porteur de l'étendard du takfir du monde contemporain. Et Saïd faisait partie des frères musulmans, de la secte des frères musulmans, comme cela a été cité par Ali Ashnaoui, qui est l'historien de cette secte, qui a dit « Tous les groupes qui ont apparu sont sortis du giron d'Ikhwan. » Bah, les Qutbi, les Sorori, Takfir wal Hijra, et j'en passe. Et leurs poussins au Maghreb, Al-Jazara, hein, l'Adou al-Ihsan, l'Adala al-Talmiya, et j'en passe. يقول حفظه الله وقد بسطت الكلام على هذه الجماعة الضالة المضلة وبينت أمرها من حيث التاريخ والمنهج فليراجع ذلك من شاء وهو في أشرطة مبثوثة ومنها على الأخص أشرطة دورة الإمام محمد بن إبراهيم في جدة كانت قبل في جامع الأمير حصة ثم انتقلت إلى جامع آخر وبينت هذا في كل موطن يتاح لي البيان فيه ولله الحمد والمنة هذا هو الوجه الثاني. Il dit, et cela je l'ai détaillé, j'ai détaillé les paroles concernant cette secte égarée, égareuse, et j'ai clarifié leur situation à travers l'histoire, et j'ai clarifié leur manhaj. Ceci est éparpillé dans différents audios, et plus particulièrement dans les audios de la Daura de l'imam Mohammed ibn Ibrahim qui avait lieu à Jeddah avant. Cette Daura s'est déroulée dans la mosquée de la princesse Hassa, et puis il a été déplacé vers une autre mosquée. Et j'ai détaillé le sujet de ce groupe, de cette tendance déviante, dans toutes les occasions où j'ai pu le faire, et la louange est à Allah. Et on arrive avec ça à la fin. Et ça, c'est le deuxième cas de figure, hein, concernant les détails de ce que Cheikh a fait de ce verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde. Ainsi s'achève l'explication avec laquelle Allah m'a comblé concernant ce verset, et les rencontres se poursuivront inshallah et concerneront des hadiths et des versets du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde notre cheikh, qui lui donne la santé et qui lui donne la force et le courage et la force pour qu'il revienne sur le terrain de la da'wa, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse ainsi que Cheikh Rabir, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de nos grands temples de science, et qu'il allonge leur vie dans leur obéissance. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsan Allahu ilaykum wa jazakum Allahu khairan.